Ouais, je n'ai pourtant rien voulu oublier. J'avais les clés portables et le reste des papiers. Les lunettes calées sur le bout du nez. Je descendais filer un peu de blé au banquier pour qu'il me lâche un peu de temps de respirer. Arrivé en bas, je cherche à me garer. Une cigale paumée commence à me brancher. Je continue sans l'air vraiment intéressé. Mais je lui parle, je lui dis que je suis d'à côté. Pour qu'elle me lâche un peu le temps de respirer. Pour qu'elle me lâche un peu le temps de respirer. Du coin me font signe de bouger. Je leur réponds en vain que je n'ai rien abîmé. Et je leur montre mes mains histoire de me disculper. Pour qu'ils me lâchent un peu le temps de respirer. Pour qu'ils me lâchent un peu le temps de respirer. Après un